qui ne s'est jamais réveillé comme au bord des larmes pour avoir aimé de trop près les yeux d'une femme. Un café qui fume au matin qu'on ne touche pas, l'impression soudain que rien ne va. Il est ici bas ce qu'il reste de notre passage, ce que Dieu nous laisse en héritage. C'est l'amour fou qui fait de nous des hommages, nous, il nous rend jaloux. Qu'à moitié fou de ses yeux si doux, c'est l'amour qui court le temps à pas de géant et à rendez-vous avec les enfants. Petits enfants.